Pourquoi t'accroches-tu comme ça à lui? Es-tu certaine qu'il t'aime autant que moi? J'espérais avant que tu parles de lui. Là, mon espoir s'enfuit avec le temps. J'aimerais tout comme lui caresser tes cheveux et t'avoir aussi dans mes tours de chant. Alors dis-lui, ah oui, dis-lui, je t'ai aimé longtemps avant lui. Ah oui, dis-lui, ah oui, dis-lui, que pour toujours tu resteras dans ma vie. Comme lui, j'aimerais moi aussi t'avoir chaque jour à mes côtés. Es-tu certain qu'auprès de lui tu as le bonheur dont tu as toujours rêvé? Mais je sais qu'un jour tu viendras vers moi. Tu retourneras plus sur tes pas. Alors dis-lui, ah oui, dis-lui, je t'ai aimé longtemps avant lui. Ah oui, dis-lui, ah oui, dis-lui, tu resteras dans ma vie. Alors dis-lui, ah oui, dis-lui, je t'ai aimé longtemps avant lui. Ah oui, dis-lui, ah oui, dis-lui, que pour toujours tu resteras dans ma vie. Alors dis-lui, ah oui, dis-lui, je t'ai aimé.